et temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Dubourg, auteur, conteur, poète, animateur de radio et d'atelier d'écriture et de formation, qui vient nous parler de son recueil de nouvelles Clair-obscur, publié en auto-édition, mais aussi de ses deux autres ouvrages, notamment Les contes et légendes de Meurthe-et-Moselle, publié aux éditions de Boré, et de Si la Moselle m'était comptée, aux éditions du Parège. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter, nous parler un petit peu de vous. Alors, parler un peu de moi, je vais essayer de faire en court quand même, hein, parce que, voilà, donc, grosso modo, j'écris, je compte, je vais faire des ateliers d'écriture, comme vous l'avez dit, je vais bien et j'aime bien baigner dans cet univers-là, vous voyez, et je n'ai pas l'intention vraiment d'en changer, non plus. Donc, c'est avec plaisir que, de toute façon, vous voyez, je viens ici pour une émission radiophonique. Ça me fait très plaisir. Alors, si j'en crois votre CV, vous avez eu plusieurs vies. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Écrire ou raconter des histoires oralement ? C'est indissociable, en fait. C'est indissociable ? Oui. Tout me plaît le plus. Donc, je ne choisis pas. C'est super. Oui. Et en fait, l'un nourrit l'autre, quoi. Par exemple, pour l'anecdote, vous soulignez que chez De Boré, il y a eu deux livres qui ont été écrits. Le premier étant épuisé, c'est celui des contes et légendes de Moselle, qui donne lieu maintenant à une réédition aux éditions des Parèges. Et les contes et légendes de Moselle, ça s'est sorti en 2012. Et en fait, la responsable de collection souhaitait que ce fussent des conteurs qui écrivent les contes. Qui écrivent ou réécrivent, inventent évidemment, parce qu'il y a plein de choses très différentes dans ce livre-là. Hein. C'est bien ce qui prouve que c'est intéressant d'avoir les deux. Et c'est vrai que tous les auteurs ne sont pas conteurs, et inversement. Oui, on est bien d'accord. Alors comment on découvre qu'on est conteur ? Comment on le devient ? Vous savez, c'est souvent la question que l'on me pose quand je vais un peu partout, en école, en lycée, en collège, comment vient l'inspiration ? On n'arrive pas bien, en fait, à définir ça. Hein. Ce qu'on sait, c'est que ça vient, et je ne cherche pas trop à savoir comment ça vient, finalement. On sait plus une histoire de sentir les choses qui viennent de l'intérieur. Il y a comme ça des choses qui maturent, comme un germe qui monte, qui gonfle, qui vient, et qui éclot en surface, finalement. Hein. J'ai juste découvert que, comme ça, dans ma vie, il y avait eu de petites anecdotes qui ont fait qu'un jour, je me suis dit, alors tu vas devenir conteur. Donc, par exemple, lorsque j'enseignais, il y a longtemps, j'avais toujours envie de raconter comme ça ou de lire quelques histoires à mes élèves, qu'ils fussent petits ou grands. Et puis, quand j'étais en colonie de vacances, comme moniteur, etc., vous voyez, à toute occasion. Puis j'aimais bien raconter des blagues aussi, donc voilà, j'ai découvert que c'était comme ça. J'ai fait un tout petit peu de théâtre quand j'avais 11-12 ans, comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a vraiment intéressé. Et il se trouve qu'à un moment, j'ai vu un conteur, comme ça, au Festival des contes et légendes du Pays de Niers. Je suis rentré là-dedans, et c'est à partir de cela qu'on a créé le Festival des contes et légendes, chez moi, là-bas, au Pays de Niers. Et puis je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et par ailleurs, lorsque j'allais ici ou là voir des gens faire un peu de théâtre aux éditions Les Trois Chardons, etc., etc., je me dis bon sang de bonsoir, il faut que tu finisses par faire ça, quoi. Oui. Et donc là, c'est tout. Je suis tombé dans la marmite, en fait. Hein. Oui. Bon, écrire, ça fait très longtemps que j'écris, mais je suis tombé dans la marmite. Et après, on met le doigt dedans et poup poup poup, c'est fini, quoi. On est pris complètement. Oui, oui. J'imagine qu'il faut une bonne mémoire. Alors là aussi, c'est la même question. Je ne pense pas avoir spécialement une bonne mémoire, j'ai peut-être une mémoire un peu sélective. Sans doute qu'il en faut une bonne, et sans doute que, comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est à force de dire des contes qu'on mémorise, mais oui, il faut quand même un peu, un minimum de mémoire. Oui, mais j'imagine. Oui. Mais en fait, il y a plein de choses qui font que c'est extrêmement balisé quand on visualise les choses, etc. Donc c'est une mémoire, en fait, qui vient de tous les sens, hein, qu'on a. on voit, on imagine, on ferme les yeux, on sent, etc. On a les odeurs, les couleurs, les quand on touche les le tissu de la reine ou hein, dans un conte. Donc forcément, vous voyez, tout ça, c'est des ce sont des capteurs. Hein. Oui, oui, d'accord. Voilà. Alors, pour vous permettre d'entrer dans l'univers de Daniel Dubourg, je vais le laisser nous raconter un conte plus particulièrement destiné au jeune public. Alors, oui, au jeune public. Enfin, moi, j'ai toujours considéré que les contes, c'était toujours pour tout le monde. Mmh. Donc, pour les enfants et pour tous les enfants. Donc, les enfants, quand on c'est à n'importe quel âge qu'on est un enfant. Bien sûr. Bien, voilà. Donc, sinon, ça ne vaut pas. On m'a souvent posé la question. Mais c'est la question, j'aime bien qu'on me la pose parce que je me réponds d'une certaine façon. Alors, en fait, ce n'est pas un conte merveilleux que je vais vous dire, c'est pas un conte le fantastique, on y viendra forcément après, mais c'est plutôt une petite histoire un peu rigolote, un petit conte oui, facétieux comme ça, avec quelques rappels de, mais vous allez voir, vous allez entendre. Alors ça s'appelle Quand le loup était malade. Donc le pauvre loup était malade. De loin, on l'entendait gémir, se plaindre, il pleurait. Le bûcheron a crié dans les villages, le loup est malade, le loup est malade. Mais, pensez-vous, tout le monde se moquait bien de ce genre d'affaires. Et puis le loup, surtout le loup, il peut bien crever au fond des bois. Il en a assez dévoré autrefois, non ? D'abord, quand il se porte bien, il rôde partout, toujours à la recherche de 7 biquets, de 3 petits cochons. Alors cette fois, il a dû se gaver de galettes et de pots de beurre. Trop de gras, de sucré. Et maintenant, son ventre lui fait mal. Ce soir-là, il voit entrer dans sa tanière un chaperon rouge et une grand-mère. Elles ont appris qu'il n'allait pas bien. Elles viennent le soigner, s'occuper de lui. Elles vont être aux petits oignons. Aux petits oignons. Pour guérir, il faut une bonne cure de petits oignons au loup. Oui. Tu verras, loup. Tu vas guérir. « Vous croyez ?» demande l'intéressé en avalant de pleines assiettes d'oignons cuits, frits, en soupe, confits. « Oui, oui !» répondent en chœur Mère Grand et la rouge fillette. Et le loup guérit. Après plusieurs jours, comme il se sent mieux, la grand-mère et le petit chaperon rouge en profitent pour s'en aller, surtout qu'elles l'ont vu saliver plusieurs fois. Les détaillants d'un œil brillant de gourmandise. Le pauvre loup, ventre gonflé comme une barrique, n'en peut plus de péter. Rétabli, le loup retrouve sa faim au détour d'un chemin. Une faim de loup. Aussitôt, le voilà qui bondit et partout cherche ses bienfaitrices qu'il ne retrouve pas. Ah, qu'il les aime, ces deux-là! Il les aime tant qu'il les mangerait toutes crues. Accompagné d'un peu de beurre étalé sur des galettes tièdes et même rissolé aux oignons. Courant les chemins, notre loup se retrouve sur le marché d'une grande ville. Là, un bonhomme à tête de bûcheron vend des poupées entassées dans un profond panier d'osier. On n'y trouve que des grands-mères et des petits chaperons rouges. Le loup s'approche et raconte son histoire au marchand qui l'écoute attentivement et s'en trouve tout attendri. Si attendri qu'il offre à la pauvre bête une poupée de grand-mère et de chaperon. Poupées en poche, le loup retourne au plus profond de sa forêt dans sa tanière. Sur son lit au bord de l'oreiller, il couche les poupées et s'endort en les serrant contre son cœur chaque soir. Depuis cette histoire, le loup prend garde à sa santé et surveille son alimentation. Quand son ventre lui fait des misères, il se met aux petits oignons. Si les oignons accrochés dans votre grange disparaissent, c'est que le loup sera passé par là. Si cela sent mauvais dans la forêt, c'est que le loup aura fait une bonne cure d'oignons avant de passer par là. Si vous rencontrez deux poupées, une grand-mère et une petite fille tout de rouge vêtue, c'est que le loup n'est pas loin. Si vous rencontrez le loup, c'est qu'il n'est vraiment plus très loin. Ah, autre chose. Ne courez jamais la forêt un jour de carnaval, déguisé en chaperon rouge, en grand-mère, en galette, en pot de beurre ou en oignon. Vous avez toutes les chances d'être dévoré. Et de toute façon, même sans ça, vous avez toutes les chances. Eh bien, nous allons faire une pause. Vous avez choisi de nous faire entendre « L'école est finie » de Jean-Michel Karadec. Quand l'école est finie, quand le maître s'endort en rêvant qu'il manie sa belle règle d'or, moi l'enfant pas gentil, le dernier de la classe, je sors de mes godasses, je vais dans la vie, sur la pointe des pieds, je m'en vais. Et dans les jardins, il y a des fleurs qui s'ouvrent. Moi, sans faire de bruit, pour pas les déranger, je m'en vais, je m'en vais. Quand l'école est finie, je marche en liberté. C'est fou ce que la vie peut vous en raconter. Je vois le boulanger qui rend de la monnaie et le drôle de balai des dames au cœur léger. De les dévisager, ça me plaît. Jardin, je vois ceux qui s'aiment et quand ils s'embrassent, pour ne pas les déranger, je m'en vais, je m'en vais. Quand l'école est finie, quand le maître s'endort en rêvant qu'il manie sa belle règle d'or, moi l'enfant pas gentil, le dernier de la classe, je sors de mes godasses et je vais dans la vie, sur la pointe des pieds, je m'en vais. Quand l'école est finie, alors, nous sommes toujours avec Daniel Dubourg. Alors, vous avez une plume précise, mais très, très malicieuse. Malicieuse aussi la façon dont vous racontez les contes et légendes de Lorraine. Alors, comment faites-vous pour collecter toutes ces vieilles légendes ? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui prend du temps. Parce que il faut bien sûr reprendre les standards, les vieilles histoires que tout le monde connaît, mais en fait, les réécrire d'une autre façon. En conservant bien sûr le fond. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas d'histoire dans une certaine région, il faut chercher dans quelques vieux bouquins, par exemple, où l'on retrouve une anecdote inscrite en 2-3 lignes, 4 lignes, et à partir de là, écrire le conte. Parfois démarrer de rien du tout, aller visiter un endroit, repérer le nom d'une rue, un lavoir, un monument quelconque, et puis voilà, laisser les choses germer en fait, et longtemps après, c'est ça qui va donner sans doute une histoire. C'est pas évident, hein, mais il faut être patient, il faut laisser les choses venir. Et puis, il y a aussi le fait de parcourir parfois quelques villages en essayant de trouver des vieilles personnes. Ce n'est pas non plus évident, parce que les vieilles personnes, souvent, sont parties, il y a un moment, déjà, en emportant les comptes avec elles. Oui. Voilà. Il n'y avait pas de collation qui avait été faite. Hein. Oui, et puis donc, parfois, fréquenter aussi certaines bibliothèques en essayant de trouver un petit truc un peu rare comme ça, imprévu, on met la main dessus, un article de journal. Mmh. Ah, par exemple, je sais que j'avais repris quelques petits articles de journaux de l'Est républicain lorsque je travaillais dans le coin, Nancy, Briey, etc. Et tout, et se servir de ça également comme prétexte pour inventer une histoire. Hein, donc en fait, c'est ça. Mais une fois que tout est écrit et qu'il y a la patte de l'auteur dedans, le lecteur ne voit plus la différence. Et il ne sait plus si c'est une histoire toute neuve ou une histoire plus ancienne, mis à part, bien sûr, le Saint-Nicolas, etc. Oui, et tout, oui. Voilà, le duc de Lorraine, oui, évidemment. Hein, mais sinon, ça ne pas... Ouais. Et ça vous, ça, vous aimez ça, je veux dire, ça fait partie du patrimoine pour vous? Les contes? Les contes. Ben, à 200%, oui, que 300%, tout à fait. Oui, et c'est important de les transmettre, je suppose. Ah ben oui, mais oui, parce que c'est comme tout ce qui concerne le patrimoine, jeter un regard comme cela et essayer de comprendre ce qu'il y a, ce qu'il se passe, décrypter un peu les choses, c'est ça qui nous permet aussi de maintenir la mémoire, mais une mémoire non pas qui doit rendre passéiste, mais qui, par l'explication de ce qui s'est passé avant, permet ensuite de se projeter et de dire là il y avait des valeurs, là il y avait autre chose. Ça permet de nous comprendre à la fois nous-mêmes, à la fois dans le groupe de toute façon ça amène à la culture, donc après à plus de tolérance, moins d'obscurantisme, etc. Mmh. Mmh. Alors, vous allez maintenant nous lire une des 13 nouvelles fantastiques de votre recueil Clair-obscur. Ah oui, je veux bien. J'ai un compteur, j'en profite. Hein. Non, mais j'ai choisi aussi une des plus courtes parce bien que, sûr. Voilà. La mégapole de Monsieur Tremble. Minuit bientôt. Paul Urbain Tremble achève son travail. Dehors, le froid glace et fige la lueur rousse des réverbères. Sur une interminable table de chêne massif, l'homme a déroulé pour la millième fois les plans de la cité qu'il a imaginée, créée, dessinée. Un jeu de construction audacieux, multicolore, va jaillir de la terre dans 2 ans tout au plus. La lune est pleine, ronde, miroir d'argent. Paul Urbain jette un regard attendri sur cette ville sortie droit de ses songes. Il caresse d'une main amoureuse des rouleaux de papier étalés devant lui. Puis sur la maquette, un doigt suit distraitement de larges avenues rectilignes, serpentent entre les collines, se faufilent dans d'étroites ruelles piétonnières, comme des coupes-gorges, qu'étranglent 2 façades aveugles. La nuit est blanche, cristalline. Loin, un hibou ulule. Un gros chat noir joue au funambule sur la corniche de la maison d'en face. Paul Urbain Tremble frissonne. Il n'aime pas les chats. C'est presque maladif. Là, vers le sud, où court déjà l'autoroute, il faudra raser 200 hectares de forêt. Plus au nord, autant seront arrachés pour laisser la place à l'aéroport. Pas moyen d'éviter cela. C'est le seul endroit à peu près plat. Nous tâcherons de reconstituer un petit bois au-delà des marais et des étangs. D'ailleurs, l'étang de la demoiselle sera comblé. Ce coin-là est trop humide. Enfin, nous verrons bien, se dit Paul Urbain. L'architecte est satisfait. Il se flatte les côtes qu'il tapote de ses mains fines et blanchâtres. Des mains qui ont oublié la douceur veloutée des mousses. L'immense bureau de chêne massif a craqué sèchement. Subitement tiré de sa rêverie, l'urbaniste tressaille. Demain à l'aube, les premiers bulldozers vont arriver, rampant, pour dessoucher, niveler. Une horde conquérante. La fourmilière va prendre racine. Ainsi soit-il. Minuit. 12 coups quelque part. Paul Urbain quitte son atelier, heureux, nerveux d'impatience, après un ultime regard sur la miniature prétentieuse. L'ascenseur dépose l'architecte dans le hall de marbre rococo. L'homme regagne sa voiture, s'y engouffre et démarre. Le mât tout noir traverse la rue. Paul Urbain n'a que le temps de donner un violent coup de frein. Il peste, jure et donne des coups sur le volant. Le moteur ronronne à nouveau, longtemps. Paul Urbain conduit, s'assoupit un peu, pique du nez et se redresse à plusieurs reprises. Le véhicule l'a mené au large faubourg, désert et vitrifié. Pleine lune, l'architecte est aux anges. Il ne sait plus s'il dort, songe ou s'il est encore éveillé. Sa grosse berline noire, luisante, s'immobilise à l'entrée de la forêt des Carmes. On raconte qu'en des temps fort reculés s'y déroulaient des fêtes celtiques. Rien que de dire. Paul Urbain a déjà bien marché sur le sol dur, dans les ornières gelées. Il fait si clair cette nuit. Là, juste devant lui, s'élève une tour de 100 étages, rutilante dans son armure de verre mordoré. Mais ce n'est qu'un chêne majestueux. L'homme pénètre dans le bois. Il avance, avance encore, presse le pas comme s'il était en retard. On le tire, on l'attire. Dans la poche droite de son pardessus, il serre une petite boîte dure aux angles arrondis comme un galet. Ses doigts jouent avec le couvercle qui claque quand on le rabat. Paul Urbain court presque, manque trébucher. Le chemin se creuse. Et l'homme devine la joie de son épouse qui découvrira ce matin posée sur son chevet une superbe bague sertie d'un diamant énorme. Des buissons se rapprochent. L'architecte accélère l'allure. Il s'enfonce au cœur du bois. Des bêtes surprises, effrayées, détalent, s'envolent. Des colonnes d'arbres fluets défilent, telles des hallebardes serrées dans leur râtelier. Les barreaux d'une cage géante. Les taillis se resserrent. L'homme souffle un peu. Il dénoue sa cravate, ouvre le col de sa chemise. Un sanglier lui coupe la route. Paul Urbain essuie la sueur perlant sur son front. Il court maintenant. Leurs ramures s'enchevêtrent, chevelures en bataille. Il halète Paul Urbain. Il rougit. Le sang martèle ses tempes grisonnantes. « Monsieur tremble, monsieur tremble !» semble répéter une voix monotone et métallique dans les buissons frisés de givre. Plus loin, le chemin se déroule en pente douce pour aller mourir dans l'étang de la demoiselle. Malgré le froid, le sol resté fort humide et glissant rend la marche plus pénible. Paul Urbain ralentit. Ses chaussures s'enfoncent un peu dans la glaise collante et s'y agglutinent comme des ventouses. Sa vue se brouille. Les taillis se rapprochent à une allure vertigineuse. Des lianes tombées du ciel s'enroulent, se lovent autour du cou de Paul Urbain, tels des garrots. L'homme étouffe, se débat, crie, hurle. Des serpentins de lierre grimpent le long de ses jambes, se nouent, s'entrelacent dans un doux et discret crissement de feuilles vernies. Des ribambelles de houx s'agrippent à ses bras et le ficellent. Paul Urbain est debout, englué, envahi. Il hurle et déchire le silence de la forêt. Sa plainte est longue, douloureuse. Une fois encore, il tente de se délivrer. En vain. Des lichens commencent à le recouvrir. Il voit dans un éclair une immense arche de béton et d'acier dégringolée comme un château de cartes et un élégant pont suspendu se tordre comme un fil d'étain. La forêt s'est endormie, discrète, muette, éternelle. Le lendemain, les gendarmes ont retrouvé la voiture de Paul Urbain Tremble. Ils ont suivi le chemin et se sont arrêtés au pied d'un arbre tourmenté dont les branches tendues vers le ciel semblaient demander pardon. Dans la boue reposait un écrin contenant un solitaire. Dans l'immense atelier de l'urbaniste, on a retrouvé les plans de la mégapole, moisis, craquelés, illisibles. La maquette était déchiquetée et la forêt y avait gagné tous les endroits d'où l'on voulait la chasser. Alors, Daniel Dubourg, quels sont vos projets ? Parce que j'imagine bien que vous en avez. Alors, c'est le vrai problème, c'est que quand on s'intéresse à beaucoup de choses, on a tendance à vouloir papillonner et on n'arrive jamais au bout de ce qu'on fait, quoi. Oui. Alors, bon, ça, c'est pas forcément nouveau, continuer à raconter, etc., mais en termes plus précis, les projets. Alors, comme ça, pour vous dire, j'ai un projet de roman policier, mais pour adultes, cette fois-ci, après avoir écrit trois polars pour enfants dans mon pays de Niers. J'ai comme projet l'écriture d'un roman qui pourrait bien être rigolo, qui va s'appeler Un doigt de cassoulet. Donc, c'est quelqu'un qui découvre un doigt de cassoulet dans une boîte de cassoulet. Oui. Mais ça ne va pas être triste pour autant. Non. Et puis, donc, il y a aussi un livre, c'est un roman, mais assez fantastique, ma foi, dans lequel je vais essayer de dire que, vous savez, quand on est amoureux, on dévore souvent la personne des yeux, etc. Que, donc, on est un peu un ogre. Hein. Mais quand on devient amoureux, on ne devient plus qu'un ogre. Enfin, on quitte l'ogritude, quoi, si vous voulez. Et donc, ça devrait s'appeler normalement Une fin d'ogre. Ah, mais avec FIN. Bien sûr. Oui. Ah oui, c'est là. Donc, l'amour va faire en sorte que ce monsieur-là, qui est un employé de banque, il va cesser d'être un ogre véritablement qui mange les enfants, d'une certaine façon. Oui. Voilà, ce sont les trois projets maintenant. Il y a des. En fait, il y a aussi chez un autre éditeur des publications, peut-être sur deux ou trois tomes, de tous les contes que j'ai écrits avant, à compte d'auteur, avant d'écrire les contes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, plus ceux que j'ai écrits par après. Donc ça fait la bagatelle comme de 65-70 contes. Mais il y a plusieurs. Oui, voilà, et cette fois-ci, ce sera illustré. D'accord. Oui, voilà. Ouais. Et vous serez présent au livre sur la place ? Alors, le problème, c'est que chaque année, je suis au livre sur la place, mais au stand éditeur, vous voyez. Oui. Alors moi, j'essaie d'y venir que le vendredi, parce que comme je ne travaille plus par ailleurs, je laisse le samedi et le dimanche à mes copains et copines des éditions des Parages. Et on est nombreux à vouloir venir. Bien sûr. Donc du coup... Voilà. Par contre, c'est vrai que si je pouvais avoir les livres placés chez un libraire, à Nancy, évidemment, je pourrais être sur un stand libraire, quoi. Mais pour ça, il faut que je joue avec mon éditeur pour qu'il persiste un peu. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'à compte d'auteur, je ne suis pas persuadé que l'on nous prenne chez les libraires, je ne sais pas. Non, bah ça dépend. Oui, ça dépend. Je vais aller voir. Il y en a 3 ou 4, 5. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, et si j'en crois votre page Facebook, vous êtes aussi un homme très engagé. En un mot, qu'est-ce qui vous agace le plus en ce moment ? Ce qui me ? Vous agace le plus en ce moment ? Beaucoup de choses, à vrai dire. Hein. Ça, bon, c'est récurrent, c'est pas, ça a toujours existé. J'aimerais bien que beaucoup de choses changent comme ça, pour que les gens... Que nous essayons de devenir plus paisibles, plus communicants, vous voyez. Ouais, ce serait bien. Mmh. Parce que ça arrangerait certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont trop pressés, il y en a qui sont... surtout, bon, l'agressivité, le fait de le manque de respect à l'égard d'autrui, ça c'est des choses quand même, quoi. Ce qui m'agace aussi, c'est que... Enfin, ça m'agace pas comme ça, ça m'horripile pas, mais je pense qu'il y a un travail de fond qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Il faut que les gens puissent vivre en complète liberté d'expression, que les gens puissent vivre un minimum dignement et qu'il y ait une autre répartition aussi des richesses et des pouvoirs, etc., quoi. Alors, merci beaucoup à Daniel Dubourg d'être venu nous faire partager un peu son univers. Au revoir à tous et à bientôt. Merci.